miser sur moi comme l'ont fait mon père et ma mère. Je m'accroche à chaque parcelle de ma life, mes racines, ma famille, mes amis et mes souvenirs. Et même après de nombreuses batailles qui ont laissé sur mon corps, sur mon âme de nombreuses cicatrices, je suis là, oui bien là. Dans la victoire comme dans la défaite, j'encaisse. Et tant qu'il n'est pas l'heure, j'avance. C'est le seul mouvement qui donne un sens, qui donne une chance, c'est une évidence. Pour dépasser, on s'est accroché pour avancer. Malgré les embûches et l'adversité, y a pas de fatalité. Félicité, plébiscité, ceux qui ont persévéré. Problème, quel que soit l'obstacle, c'est l'instinct de survie qui nous pousse. Eh ouais, eh ouais. On se bat par l'amour qui donne la force et le courage pour pousser toutes les portes. Nos rêves, c'est le souffle des ailes qui portent, celles qui rendent libre, nous renforcent dans l'effort. Quand beaucoup déterminés, à rien lâcher, à pas me laisser faire, à montrer de quoi je suis capable, à faire des efforts par plaisir. Tu comptes ruiner nos carrières, laisse mourir. J'attends le jour où les rappeurs arrêteront de pleurer au micro. Tu cours à ta perte, nous on se maintient au niveau. Bats-toi pour avoir ce que tu veux, au sens propre comme au figuré. Nous sommes des figurines, démons, anges au visage défiguré par le temps. La vérité, suffit d'un peu de vodka pour que tu foutes le vacarme et que tu dises n'importe quoi. Récolte les bons conseils que je sème. Si tu veux pas te faire refroidir après le coucher du soleil, ton corps est allé sur ton palier. C'est ce qu'arrive à Marseille si tu manques de politesse. Si tu te manques dans les finances, les affaires en douce, je parle business. La rage de vaincre dans cette forêt de béton, on compte que sur nos couilles pour avancer. En cas de pépin, quelques gousses pour te faire renoncer. Le truc c'est de pas trop penser, plutôt foncer. Tête haute, sourcils froncés, les poings serrés, l'esprit lucide, les dents serrées, les gencives en sang. Malgré les incessants contrôles de la patte, les descentes, nos cellulaires sous écoute. On serre les coudes pour nos frères en cellule sous écrou. On se bat par l'amour qui donne la force et le courage pour pousser toutes les portes. Nos rêves, c'est le souffle des ailes qui portent, celles qui rendent libre, nous renforcent dans l'effort. On s'accroche par plaisir de voir battre son cœur, par amour ou par peur de la mort. Pendant que les politiciens abusent du pouvoir, nous traitent comme des tocs, ces bâtards augmentent les taxes. La situation de la nation est des plus instables. On s'accroche depuis que le roi a tué les francs et les Français avec. Envie de pleurer quand on repense à la France ou Chirac ou Mitterrand. J'avoue souvent on s'accroche par passion pour le son. L'équipe est déterre, vénère, doué, têtu et obstiné, blesse. Un seul but se fouet, faire vibrer les foules sur les ondes et sur scène. On martèle les bits et fait grimper le label. Brise les normes, brise les barrières, on s'accroche. Comme des sens sur un steak, comme les crocs du lion plantés.